On va parler de hockey régional, on va parler de la Ligue senior régionale avec Dave Girard, la Ligue senior régionale qui va commencer bientôt ses activités. Ça n'a pas été facile cette année de démarrer les activités. Quoi qu'il en soit, ben, bonne nouvelle, ça va débuter. On parle avec le président des constructions de l'avenir de Dolbeau-Mistassini, Dave Girard. Salut Dave! Salut Danny. Dave, évidemment, ça a pas été facile à redémarrer ça. C'est comprenable un peu, c'est comprenable parce que l'année passée, il y a eu le COVID. Mais là, ça semble parti en tout cas, là. Bon, oui, c'est parti. Écoute, moi, je suis revenu dans l'aventure. Ça fait quoi? C'est début septembre, fin août, début septembre. Certains joueurs m'ont rappelé pour revenir dans Parce que tu l'organisation parce avais que décidé j'avais de quitté partir ou bien quoi? l'organisation. Ouais, en 2000, 2020, de décembre 2020, j'ai décidé, j'avais démissionné parce OK. que je m'entendais plus avec certaines personnes dans notre CA. Puis on avait, ben, c'était pas un entente, on s'entendait plus, on n'avait plus les mêmes idées. J'avais Ouais. décidé de partir OK. à ce moment-là. Mais je m'avais dit jamais que j'allais revenir. Mais écoute, ça faisait C'était quoi, ça, mais il n'y avait pas deux ans et d'équipe, demi c'est que je. ça? Il n'y avait pas d'équipe, c'est ça? Ah, effectivement, il n'y avait pas de ligue. Si on ne reprenait pas ça en charge, parce que tu sais, il y a eu des gens avant nous qui ont Ouais. fait le gros possible, mais écoute, c'est sûr que quand tu décolles une équipe senior, il faut que tu aies beaucoup plus, faut que tu aies des atouts que eux n'avaient pas probablement, Ouais. qu'on était capable d'aller chercher. Moi, j'avais un groupe qui était quasiment de la première année, où on est quatre là-dedans. Fait qu'on a reparti ça. Écoute, c'est pas facile, on est encore là-dedans. On travaille quasiment temps plein là-dedans, là, parce qu'on servirait de bord en une semaine et demie. OK, Okay. OK. Mais écoute, c'est parti du bon pied. Je pense que la population est bien contente que ça la Ben revienne, oui. parce que c'est sûr que plus d'équipes seniors à Dolbeau, la Ligue tombe, parce qu'on Il s'entend n'y que a plus que Dolbeau, c'est trois équipes, je Château pense. Fort. Il n'y a plus que trois équipes chez Là, nous. présentement, avec nous, on est rendu quatre équipes. OK, Là, il y a donc. Dolbeau, Ouais. Saint-Bruno, Ouais. Saguenay et Ah, OK, Saguenay Wendake. est revenu. OK, c'est une bonne nouvelle, ça. Saguenay est revenu parce que Charlevoix est parti cette année par manque de joueurs aussi également. C'est OK. des petites régions, hein. Fait que Mané, quand il n'y a pas de junior, il n'y a pas de relève, c'est dur un peu. Fait que Saguenay, on était capable de sauver la mise. Je pense qu'ils ont eu de l'aide aussi des Marquis par rapport à ça. Donc, fait Ben, c'est que. pas juste ça non plus. J'imagine que perdre un an, c'est fragile la ligue, là. C'est quand même nouveau. Ça a Ouais, très passé fragile. Ben, regarde, si dans. tu te souviens, après la première année, Forestville est parti. Ouais. Deuxième année après, c'est Saguenay qui est parti. Ouais. Qui est revenu. Puis après ça, ben là, cette année, Charlevoix est parti. Fait que je vais vous dire, comme je dis souvent à mes joueurs, quand je suis revenu, si vous voulez faire du bon hockey organisé encore, c'est le temps cette année, parce que la ligue est très, très, très, très fragile. T'sais. On peut rien prévoir l'année prochaine. Est-ce que Charlevoix, parce que si je me rappelle bien, ça allait bien, Charlevoix, là. Est-ce que l'année prochaine, il y a des chances qu'ils reviennent? Parce que c'était bien, là. Ben, on espère, parce que tu sais, il y avait du monde pas mal, mais c'est parce que le problème, c'est que le bassin de joueurs, tu sais, il y avait un bassin de joueurs assez, il était assez vieillissant, mais tu sais, ils n'ont pas de relève, ils n'ont pas d'équipe Ouais. junior là-bas, ils n'ont rien. OK. Fait que c'est dur d'aller chercher, de refaire le plein de joueurs. Puis tu sais, ils ont Québec à côté, mais tu sais, on peut pas donner le territoire Ouais. de Québec au complet, on Non, s'entend. c'est Fait sûr, que c'est c'est un sûr. petit peu ça. Donc, comment vous avez de joueurs? Parce que ça en prend beaucoup, là. 40 joueurs, ça prend au moins 40 joueurs, je pense, pour sur votre liste Ben, de. on a une liste de 40 joueurs, Ouais. effectivement, parce que, tu sais, comme tu sais, des gars seniors, ben, ça a le travail, ça a des familles, ça a des enfants. Fait que, tu sais, des fois, il y a des non-disponibilités. Fait qu'on a une liste de 40. Mais cette année, écoute, les gars sont donné le mot. Je suis vraiment content. Je pense que c'est la première année qu'on a un engagement envers les gars aussi positif que les gars. Je te dirais à peu près trois quarts vont venir au à peu Une près pratique. 10 games sur 14. OK. Donc, Fait que le noyau cette année est vraiment bon. Puis ce que je suis fier, c'est que moi, ce que j'avais tout le temps dit, parce que dans les 12 années, on a cherché des joueurs d'extérieur Ouais. en masse. Et là, on a un noyau de joueurs régional cette année. Beaucoup de joueurs sont revenus et de la première édition. Et de nouveaux joueurs se sont greffés qui viennent de par chez nous. Fait que c'est vraiment, vraiment une équipe régionale. Donc, Billy Ménard, après ça, t'as Yot Ben, Lapointe. tu sais, je peux te dire des joueurs Ouais. assez d'impact cette année qui Ouais. sont venus, Mérite, qui sont jamais j'imagine. venus. Ouais. Non, non. Non? On a comment ça s'appelle? Maxime Mathieu. Je sais pas Ah, si OK, ça dit oui, quoi. Maxime Mathieu qui a joué dans le junior majeur avec le Weston. C'est un guerrier, ce Il a joué avec gars-là. le Winston. Après, oh oui, non, c'est quelque chose. Il est fini, il est allé jouer aux États-Unis, il a joué pro là. Il est revenu dans la Nord-Américaine. Puis là, ben, cette année, il est venu signer avec nous. Puis, Simon parce qu'il Tremblay vient de joue où cette Normandin. année? Simon Tremblay? Simon Tremblay revient également. OK. Après ça, j'ai Jean-Simon Bélanger qui a joué pour le Drakkar, qui vient de Saint-Félicien, C'est qui a pas. joué pour le Drakkar. OK, Il vient oui. nous rejoindre. Il jouait en Europe l'année passée. Il vient nous rejoindre. OK. Écoute, Devant le j'ai filet, ça va Maxime ressembler Dufour à quoi? On parlait Devant de. le filet, c'est la première année qu'on a autant de compétitions. On est rendu avec 5 goalers présentement. OK. Donc, c'est qui les goalers? Fait que, Je sais que ben, un goaler, Alexis Gagnon, il y en avait un qui s'appelait Alexis Gagnon Goulet, je crois. Goulet, Ouais. ouais. Lui, il s'est joint cette année avec nous. Fait que lui, il est présentement avec nous. Après ça, on a Marc-André Rocheteau de la première édition qui est venu. OK. On a Pierre-Olivier Girard de la deuxième édition aussi qui est venu. Et Landreville, on a confirmé le retour. Simon Non, Landreville, non. Landreville, non. OK. Non, on n'est pas là cette année. OK. Pas pour le moment. Et on a parlé la semaine passée à François Kozinski qui nous a confirmé son retour au mois de décembre. OK. Donc, Je sais pas si. ça va être solide quand même. Ça va être très solide comme équipe, là. Ah, c'est l'équipe, je le dirais sans vanter, je pense que c'est l'équipe qu'on a le plus de talent depuis les 3 dernières années. OK. Dis-moi si on parlait Et un. un autre Ouais. que j'ai oublié. Un autre que j'ai oublié aussi qui joue à nous autres, qui était là la première édition, qui n'est pas venu par rapport parce qu'il coachait Jonathan Fleury. Jonathan Fleury. Je pense que c'est un gars d'Alma, Ouais. ça, je crois. C'est un gars de Normandin, Ah, mais qui reste Normand, OK. au Saguenay. OK. C'est un excellent joueur. Ah, ouais. Dis-moi si on parlait un peu du nouvel entraîneur, Gérald Leclerc ne sera pas de retour. Donc, Non. voyons, C'est Sylvain Bonneau, Sylvain Bonneau, oui, moi je assisté crois. de Sébastien Gaudreau. Sébastien Gaudreau également qui joint là. Donc, vous êtes bien Oui. armé également de ce côté-là, là. Parce que Oui, Sylvain ben était déjà nouveau. dans Nouveau. l'organisation. Sylvain déjà était déjà. Oui, Sylvain était dans l'organisation depuis 3 ans avec moi. OK. Puis niveau coaching, mais il a déjà coaché, on s'entend. Il était déjà assistant entraîneur avant. L'expérience senior, on s'entend que ça doit être la personne qui a le plus d'expérience senior présentement dans la région, avec quand il a eu son club, puis qui a joué senior aussi. Puis Sébastien, ben lui, ancien entraîneur des Éperviers, qui a joué dans le senior aussi également. Fait que, tu sais, les gars connaissent la game. Fait Effectivement. que, Donc, dans le beau, c'est probablement c'est la concession la plus solide des quatre, là. On se contera pas d'histoire, là. C'est ça, hein? Ben, je te dirais que la plus solide, là, un mois, c'était pas ça qu'on disait, là. Ben, c'est parce qu'on a repris ça. Mais écoute, Mais Wendy, que je peux te dire, c'est vous assez avez un sérieux. bassin de monde, vous avez un bassin de partisans qu'il n'y a pas ailleurs, là. Ah, ça, C'est dans ce c'est sens-là que sûr, je dis des ça. 500 personnes, il y a personne que ça ailleurs. Personne, personne, personne. Donc déjà, c'est une base Mais pour solide. avoir ce bassin-là, il faut continuer avec des bons joueurs. Pour ça, cette année, d'après moi, on va être là. OK. Si on parlait maintenant du côté des commanditaires et des bénévoles, est-ce que ça a été dur à aller chercher? Parce que tu sais, il y a encore un an, tu sais comme moi, tu es dans le commerce aussi. C'est pas facile. Du côté commanditaire, ça a-tu bien été? Comment le faire, je vais vous dire. On a fait notre tournée de commentaires en 1 semaine et demie. OK. Puis je pense que tout le monde a embarqué. Je me Ah, c'est souviens bon même pas ça. quelqu'un qui m'a dit qu'il a refusé. Le OK. monde veut embarquer, le monde veut du hockey régional, puis ils veulent une visibilité. Puis je vais vous dire, là, les gens, cette année, là, malgré le COVID, là, moi qui pensais que ça allait durer, pas en tout, je pense que ça va être une de nos meilleures années de commentaires. C'est surprenant, hein, parce que moi, Ouais. j'ai un contrat de vente de publicité pour la ville, puis j'étais surpris, j'étais sûr, moi, que ça allait être très difficile, puis c'est la même chose, c'est très surprenant. Ouais, c'est très surprenant. Les gens, autant qu'il y en a que ça a super bien été, qui ont upgradé le business, autant qu'il y en a que ça amène. Mais je peux vous dire que les commentaires qu'on a, c'est assez solide. C'est plaisant de voir de ce côté-là l'appui de ces gens-là. OK. Des côtés des bénévoles? Bénévoles, ben, je dirais que le bénévole, on n'a pas vraiment là, des bénévoles. C'est rien que plus pour aller entrer, tout ça. Mais le reste, Mais c'est pas on dur à ferme notre trouver, là. équipe OK, comme on c'est la était. même équipe. OK, c'est bon. Non. OK. C'est chaud. Dis-moi, donc, le premier match a lieu quand? Y a-tu des matchs hors concours? Y a-tu des. J'imagine qu'il faut. Non. Non, Ben y a. OK. là, versus. Non, on n'a pas eu de match sur concours. On est la seule équipe qui n'a pas eu de match sur concours, qui n'a rien eu. On commence ce samedi à Saint-Bruno. OK. Et après ça, on est 2 semaines sur la route. Après ça, on joue à Saguenay. Et après ça, notre première partie officielle, c'est le vendredi le 19 novembre contre Saguenay, c'est notre ouverture officielle. OK. Ça va être le fun de, ben, ça, Marc, de savoir un peu les, comment les. Marc, on est tard, on fait des matchs en concours, là, mais c'est toujours plus fun d'avoir au moins un match en concours pour voir un peu comment que ça se passe. Mais ça, Ben, on regarde. aurait aimé ça, les joueurs Ouais. aimaient ça, mais tu sais, on était vraiment, écoute, on était à court terme, tu sais, je veux Ouais. dire, on travaillait tous les jours là-dessus. Ouais. Ben, Dave, félicitations. Merci d'avoir repris le flambeau. Bravo, puis au plaisir de se reparler durant la saison. Je sais qu'on va essayer de parler avec des joueurs tout au long de la saison de Yes. l'équipe Oui. des constructions de l'année. Bon. Aucun problème. Le président Dave Girard. Aidez.